J'aimerais te dire, le monde est magique. Ma jolie, quand tu me dis si on s'aime, c'est pour la vie. Mes gants sont noirs, mon cœur est noir, comment c'était loin à Paris. Quand j'étais sous le porche, que je rêvais de faire ce que je fais de ma vie. J'ai pas le nez dans la marge, mais fais-toi un gramme avec les restes. Les poches sont déjà remplies. Équipé, tu nous fais l'ancien, tu vas manger les restes. On est déjà adultes, vers 13 ici. 13 ici. On tire rien à la précision. Putain, c'est le 13 ici. Et y'a R dans la CR. J'écris sans chercher les rimes, j'ai besoin de décharger le cœur. Je rêvais de finir sur une île, là je rêve de pas finir seul. L'enfer m'attend vertu et vise, mais j'ai des habits neufs. Et je serai là si je te l'ai dit, qu'il se noue, qu'il pleuve. J'ai mis trop de choses avant toi. T'as plus rien à me dire. Et si t'as déjà fait tes choix, j'ai plus rien à te dire. On s'éloigne, on n'a plus rien à se dire. On s'éloigne. Un prix, ouais, j'achète un peu plus de ton cœur chaque jour. Maman prie tous les ciels sous la pluie. Le fils est près du four. J'apprends de mes chats, de ma foi. Ce que la soif m'a fait vivre. On s'aimait, on s'aime. La routine, on n'a plus rien à se dire. Ouais. J'achète un peu plus de ton cœur chaque jour. Maman prie tous les ciels sous la pluie. Le fils est près du four. J'apprends de mes chats, de ma foi. Ce que la soif m'a fait vivre. On s'aimait, on s'aime. La routine, on n'a plus. J'ai mis trop de choses avant toi. Mais si t'as déjà fait tes choix, j'ai plus rien à te dire. J'ai plus rien à te dire. J'ai mis trop de choses avant toi. T'as plus rien à me dire. Si t'as déjà fait tes choix, j'ai plus rien à te dire. On s'éloigne, on n'a plus rien à se dire. On s'éloigne.